Fred Savard, c'est un chroniqueur qui, écoute, là, il clenche à peu près n'importe qui dans une chronique. Il est très drôle, il a un humour très profond. OK. Puis, c'est le petit chien de poche de Vautier. Un homme de fer, il a une excellente mémoire et il n'a rien contre les gauchistes. Voici votre ultime animateur, Ruff, Ruff, Jean-Philippe Vautier. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre du terrible, terrible choc constitutionnel qu'on a vécu cette semaine. Hein? Kaboum! Boum! Ta parouette! Hein, Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Ah non, mais quelle semaine constitutionnelle! C'est incroyable! C'est fou! C'est ouf, fou! Ouf! Que de rebondissements! Moi, je me tanne pas de parler de constitution. Moi non plus, je trouve que c'est un sujet très porteur. Très porteur. Hein, c'est toujours le fun de parler de ça. Puis on va se le dire, les jokes de constitution, toujours drôle. Hein? Tout drôle! On se tente pas! On se tente pas là-dessus! Ah, les cyniques ont fait une belle carrière là-dessus! Effectivement, ouais. Eux autres étaient drôles. Eux autres étaient drôles, ça, de la belle humour sociale oui. De l'époque. Ben oui! Hey, mais si on parle de ça ce soir, ben, c'est à cause d'un livre hein, qui traite du rapatriement de la Constitution de 82 qui est sorti récemment. Ouais, ouais. C'était l'époque de feu Thatcher. Hein? Oui, oui! Le monsieur Thatcher, là? Oui. Oui. L'homme de fer qu'on appelle? Oui! D'ailleurs, on a vu des photos, toujours bien rasées. Toujours. Hein? Un beau monsieur. Propre de sa personne. Ouais, ben pour résumer l'histoire, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il paraît que le juge en chef de la Cour suprême ben de l'époque, évidemment, aurait passé un coup de fil à Pierre-Elliott Trudeau pour jaser d'affaires de constitution. Wow! Hein, c'était, ça, ouais. C'était un vrai thriller. Ouais, hein? J'espère qu'ils en feront un film avec Michel Côté. Oui, on souhaite tous. Et puis Michel Côté, dans le rôle du téléphone? Le oui. Gars peut jouer n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Des policiers, des policiers, des policiers, des pays, tous les jouets. Il y a François Legault, justement, sur ce sujet-là, qui a dit que c'était de la vieille histoire, oui. Hein, une vieille affaire. Faut passer à d'autres choses. Hein. Mais en même temps, tu sais, pour un gars qui se rappelle même pas qu'il était souverainiste il y a 2 ans, 30 ans, ça ne fait de rien. Voilà, hein? Ben oui. De qui vous parlez déjà? François Legault, là, oui, c'est ça. Parlant d'éternité, il y a le potuable Bernard Landry hein, qui a enjoint cette semaine tous les souverainistes à s'unir autour de la cause sans partisanerie. Ah bon? Oui. Est-ce qu'il l'a dit en latin? Probablement. Ah ouais? Ouais. Ça devait sonner comme ça, là. Souverainus, nun, partisanum. Sûrement, frère, je suis pas aussi vieux que vous, j'ai pas appris ça le latin. Non, mais il a dit ça. Ben ouais. Il a dit ça pendant le congrès de Convergence nationale, hein, oh boy. Qui est un congrès pour jaser d'indépendance entre indépendants. Oh, wow! Est-ce qu'il reste des tickets? Ben, écoutez, c'est sold out. Les 20 tickets se sont envolés comme ouais, ça en une semaine. 20 tickets gratuits, c'est parti d'un coup. Toujours est-il que, selon Bernie, OK, il faut arrêter les divisions. Hein, faut mettre la patrie devant les partis. Parce que, oui, parce qu'on sait que quand on met les partis en premier... On a tout un parti, c'est ça? Le mot social. C'est ça. Non, mais on est tanné des vieilles chicanes. Ouais. Hein? Moi, oh. J'ai envie de parler de bonnes choses, des bonnes nouvelles. Il y en a des bonnes nouvelles, hein? Comme par exemple la bouffe qu'on va pouvoir enfin déguster dans les rues de Montréal. On a enfin, ça. Une hey. Bonne nouvelle! C'est bon, des hot dogs! Hey, on se tanne pas de ça! Non! Sauf que c'est un projet pilote. Hein, ouais, ben, en fait, ils voudraient faire des mijoteuses avec les nids de poule. Ah ouais. Le problème, c'est qu'on sait pas si ça va toffer. Ah hein, ouais. Parce que, tu sais, un bon pulled pork, c'est plusieurs heures de cuisson. Ah fait ouais. En même temps, tu sais. Dis-moi pas que nos nids de poule sont cheap en plus. Ben, on va... Ils sont mal faits. Ouais, ouais, ben, on va faire un sondage là-dessus. Hein, puis quand on aura le résultat, on va faire le contraire. Ah, OK, c'est okay? Bon. Parfait. C'est bon, tant business. C'est dingue que ça marche on à Montréal. Parlant de cheap, il y a le SPVM qui a finalement remis la tête de la mascotte confisquée à Narcopanda la semaine passée. Ah, ouais. Oui. Ouais, ouais. Ben, ouais. Ouais. Est-ce qu'on a des nouvelles de la tête de Justin Trudeau? Non. Ah non. Ça, d'ailleurs, je sais pas qui l'a, mais ça serait la personne qui l'a, juste lui remettre. Parce que là, ça commence à plus avoir de bon sens. Ah non. Hey, tabarouette, je veux dire, le monsieur, il va être premier ministre bientôt, lui. Ben oui. Non, non, en plus, il est tout mélangé cette semaine, je sais pas si vous l'avez vu. Il a décortiqué le nombre pi jusqu'à sa 19e décibel. Ah bon? Oui. Décibel? Oui, c'est ça qu'il a dit. 19e décibel. Fait que lui, quand il écoute de la musique, c'est en décimal, genre? Oui, mais en même temps, comme si on n'avait pas envie de le savoir. Non. Hein? Bon. Parlant d'affaires qu'on veut pas savoir, je sais pas si vous le saviez, saviez-vous? Hein? Beaucoup de verbes savoir oui. Dans ce moment. Saviez-vous qu'il y a eu plusieurs manifestations cette semaine à Montréal contre la réforme de l'assurance emploi? Je n'étais pas au courant. Ben voilà, Fren. Hein? Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a eu aucune arrestation, hein? Aucune contravention, aucun méfait. La bonne façon de manifester, voilà. Tout le monde. Ben oui, ben oui. On n'en entend pas parler. ça dérange personne. Et voilà. Les étudiants, prenez des notes. Ouais. C'est comme ça qu'on dérange le peuple. Non, mais j'imagine qu'ils ont donné leur itinéraire, c'est pour ça. Pas besoin, Fred, c'est les chômeurs. Ah. Très facile. Divan, frigidaire, divan, frigidaire, divan, toilette, frigidaire, divan, toilette, frigidaire, divan. De toute façon, avec la nouvelle réforme, là, l'itinéraire, ils n'auront plus besoin de le donner, ils vont le vendre au coin de la rue. Oh! Oh. Bon, en tout cas, on a deux invités ce soir qui n'ont pas besoin de donner leur itinéraire. Non. On a tout d'abord le maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez. Ah ouais, c'est pas fermé, ça, le plateau? En fait, c'est pas tant que c'est fermé que c'est pas ouvert. Ah! Ouais. C'est un peu comme la Corée du Nord, ah ouais, hein? Mais avec plus de manger. Plus de manger, ouais. C'est ça, ouais. Mais dirigé par un dictateur, on va se le dire. Là. Ben oui, ben oui, franchement. Et on reçoit également Alain Gravel, le journaliste de l'émission Enquête. Ah ouais, c'est pas fermé, ça, Enquête? Non, mais ça, c'est le rêve de bien du monde, ah ouais, par exemple. Hein? Ouais, ouais. Mais heureusement, c'est encore ouvert. D'ailleurs, on va confirmer tout ça avec lui parce que la soirée est encore jeune. Eh bien, merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, les internets, s'il oui, vous plaît. Oui, ben les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée oui. est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils apprendront que nous sommes en nomination au Gala des Oliviers. Oh! Ah! Les grandes gueules n'ont qu'à bien se tenir. Oh! Les qui? Les grandes gueules. J'écoute pas ça. OK, grosse semaine d'actualité, tout le monde. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du palmarès des prénoms, hein, qui est sorti enfin cette semaine. Enfin! Oh, c'est le fun, ça. Hein? Oui. Et saviez-vous que le prénom Léa, hein, qui était en première place l'année dernière, ouais. A été détrôné par celui de Emma. Wow! Ben oui. Hein? C'est vraiment trippant. Ben oui, je sais ce qu'il a poté. Pas de Pauline dans le top 5. Ah non? Pas de Justin non plus. Pas de François Rebello. Ben hein? Franchement, c'est pas un prénom, François Rebello. Ben, pourquoi pas? François Rebello Gosselin. Ça me semble pas pire pour un nouveau-né, ça. Un nouveau-né? Ouais. Ah ouais, je reste plus un mort-né. Oh, fuck. Fred Savard. C'est lui qui prend le blanc, mais c'est moi qui l'écris. Ouais, OK. C'est ça. C'est pas vrai, en plus. La nomination partisane de Sylvain Simard a fait des vagues cette semaine. Lui qui a été nommé sur le CA de la SAQ. Oui. En même temps, il me semble que c'est un naturel. Hein. Il a fait son université à Bordeaux. Oui. Hein, il a un accent français. Et voilà, il me semble que un naturel. Non, mais un naturel. Bon. Mais ça nous a quand même inspiré notre palmarès de la semaine. Alors, voici cinq autres nominations partisanes que le PQ pourrait faire dans les prochaines années. Ben oui. En cinquième position, Daniel Breton à... Ah, ça, c'est embêtant, ben ça. Oui. À la SAQ ou à la SAAQ? Ouais. Tu aimes les vins et les chars? Ah, moi, j'irais avec Recyc Québec. Moi. Ah, ouais, c'est peut-être un meilleur, ouais. Valeur sûre. Ouais. En quatrième position, Jacques Parizeau à la SAQ ou à la SAQ? À la SAQ. En troisième position, Noëlla Champagne. Qui, ça? Noëlla Champagne, c'est la députée de Champlain. Aucune idée. Envoyez ça au bureau du coroner. Le coroner. Coroner. Okay, parfait. En deuxième position, Léo Bureau-Bloin à la tête de la Fédération de l'âge d'or du Québec. Ah, ouais. On cherche des consensus à FADOC. À la consensus à FADOC. OK. C'est naturel. Et en première position, Agnès Maltais à l'Auto-Québec. Ah. Pas fou. Elle aime ça, les cités sociaux. Ben oui. Ouais. Surtout qu'elle est assez gratteuse, merci. Oh, on en s'en mérite un autre. Hein? Parlez-moi de ça. Fred, notre premier invité. Plusieurs le trouvent pas mal trop carré pour un maire d'arrondissement, mais heureusement, il s'en sac pas mal. Accueillons le leader maximo du plateau Mont-Royal, Monsieur Luc Ferrandez! Monsieur Ferrandez! Hey, salut! Ben, rebonsoir! Bonsoir, bonsoir. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit ici. Ben, toujours un plaisir de venir. Ben, mais ça... Hey, non, mais vous étiez là la première émission. Première émission, ouais, c'est oui, vrai. Oui. Mon Dieu, ça va faire presque un an. Oui. Puis vous savez ce qui est drôle? Il y a un an, on s'amusait de la possible candidature de Denis Coderre oui. Et on peut encore aujourd'hui, un an plus tard, s'amuser ouais. de la possible ouais, candidature ouais. de Denis Coderre à la mairie. On en parlera plus tard. C'est rassurant. Il y a un an, ça allait super bien, la ville de Montréal. Maintenant, c'est le chaos total. Non, c'est pas vrai. Ça va très mal depuis très longtemps. Mais là, on a un nouveau maire à Montréal. Parce que oui. la première fois, c'était Gérald Tremblay, son nom. Et là, on a Michel Applebaum. Comment ça va avec le nouveau maire, M. Ferrandez? C'est super honnête. C'est super. Pas... Hier, il disait qu'il ne savait pas, il n'avait pas entendu parler, il n'était pas au courant. C'est super. Oui, bon, ben, maintenant, on est au courant que c'est lui. Là. Fait que lui, comment il va? Comment vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Parce que Richard Bergeron, on l'aime beaucoup. Ben, il a tenu parole, il a donné le pouvoir aux autres, puis c'est ce qui va bien. Ah oui? Oui. Puis dans ce qu'il a gardé, ben, c'est les mauvaises habitudes d'Union Montréal. C'est-à-dire? Ben, de ne pas être au courant de tout ce qui ne va pas bien. Mais il y a tellement de choses qui ne vont pas bien à Montréal. Ben, ça fait beaucoup de choses à ne pas être au courant. Ouais. Ouais, non, mais... je comprends job donc. Mais en même temps, il s'occupe des vraies affaires. Là. On va pouvoir enfin manger du hot dog dans la rue. Enfin! Ben, il était temps, tu sais. Ben non, je sais bien qu'il on était temps. On était tannés de manger ça assis. Hein? Ouais. Yeah. Tu sais, Je veux dire, franchement, ça n'avait pas de bon sens. Toujours est-il que ça va pas bien à Montréal depuis une couple de temps parce que il y a eu la commission Charbonneau qui a mis une couple de dossiers sur le feu. On vous voit quand, vous, à la commission Charbonneau? Ben, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais moi, écoute, je profite tout le temps pour te dire, pour moi et mes élus, là, toutes nos dépenses, là, restaurant, parking, congrès, ben, parking, taxi, c'est tout. Un parking de Bessic coûte pas cher. C'est zéro. Mais ben, restaurant, on pourrait se venger, c'est restaurant. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. On est à zéro. Okay. Fait que si on va comme ça à Charbonneau, puis ça s'assoit dans les estrades, puis regarder les autres. Ben, mais en même vous êtes même pas dans le racket du pas déneigement? C'est ça, ouais. C'est ça que je dis tout le temps. Ouais. Du plateau, il y a trois intervenants pour le déneigement. Il y a l'école bleue, il y a le privé, puis il y a le soleil. Puis on en donne beaucoup au soleil. C'est ça. Ah. D'ailleurs, il y avait plusieurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs reporters de TVA qui marchaient sur Mont-Royal à la recherche du dernier banc de neige. Ah ouais? Ouais. Ouais. Puis? Ben, ils l'ont pas trouvé. Ben, je lui ai dit qu'il y en avait un à côté de l'aréna, mais ils n'ont pas trouvé ça original. C'est... Ben, coudonc. On ne rira pas de TVA ici, c'est pas notre job. Non. Mais là, vous êtes en train de me dire... Ils faudraient bien eux-mêmes. Oh! Oh, bien. Pas capable de se retenir. Pas capable. Ben, franchement. Hey, franchement. Là, on va les lâcher. Là, c'est pas parce que TVA Sport a perdu 20 millions l'année passée. Bon, franchement, on va arrêter de dire des affaires comme ça. Mais là, ce qu'on retient, nous, de ça, c'est que vous êtes même pas assez important pour que la mafia vous considère. C'est un peu ça qu'il faut retenir là-dedans. C'est peut-être ça. Voulez-vous une bière pour digérer ça? Ah oui, non. Okay. Non, j'ai pas de réponse. Sans gluten. J'ai pas de réponse, je vais boire quelque chose. Ben, c'est ça. C'est, ça, c'est fait à Montréal, ça, hein? Mais pas sur le plateau. Mm. Parce que c'était impossible de livrer. Les trocs t'as pogné. Ça tournait, ça faisait de la tournée. C'était l'enfer, c'était l'enfer. 2013, on est la fameuse année d'élection qu'on attendait depuis longtemps à Montréal. Oui, monsieur. Novembre 2013, donc. En novembre 2013, est-ce que Luc Ferrandez va se représenter? Oui, monsieur. Est-ce que Luc Ferrandez va probablement perdre? Ah non, monsieur. Non, ça va être une bataille épique, là. Ça va vraiment être le fun. Oui, vous pensez que... Parce que quand vous avez instauré quelques mesures à succès sur le plateau, vous avez souvent dit et répété que oui, bon, ça fait beaucoup d'insatisfaits et c'est un risque pour les prochaines élections. Peut-être même que vous alliez perdre. Vous étiez prêt à ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. C'est mais là, vous êtes de moins en moins prêt à perdre, on dirait. Non. Moi, j'ai hâte à la bataille. Ça va être une vraie bataille électorale avec des vraies idées. Puis des... Les gens, ils pourront pas dire qu'ils savaient pas pourquoi ils votaient ce coup-là, si jamais on gagne. Non, là, c'est... Hein? Puis, écoute, on a passé, on a augmenté les vignettes, on a mis des parcs à mètre, on a mis des parcs au jour, on a mis des changements de sens qui font chier tout le monde. Oui. On peut pas dire qu'on a travaillé à notre popularité d'abord et avant tout. On a travaillé au bien public, puis il y en a qui le reconnaissent. Ben oui, mais en même temps, ça me touche plus, j'y vais plus. Avant, toi, ça me... Ça, tu tiens dans où? Centre-sud? Moi, je reste en face de chez nous. Au village olympique, il y a un beau petit dépanneur au village olympique pour prendre une bière. Vous riez, mais je suis dans votre arrondissement. Hein, vous devriez essayer de gagner mon vote. OK, je vais changer de ton. OK, c'est correct. Vous allez bien? Chez nous, on est plusieurs. On est moi et mon chien. Et en tout cas, à date, je pense que j'ai voté pour vous à la dernière élection, mais je me souviens pas. Ah. C'était qui les autres candidats contre vous? De Michel Labrec. Ah, j'ai voté pour Michel. OK. Non, parce que je le connaissais. OK, good. Parlons quand même puis des la élections. Prochaine élection, si ton chien vote pour Coderre, on en parle à la police. C'est... Ouais, premièrement, mon chien n'a aucun lien avec Denis, à ce que je sache. Mais en même temps, je suis pas là les soirs de spaghetti. Vous allez vous représenter, mais en même temps, c'est drôle. Est-ce que Richard Bergeron est content que vous vous représentiez à ses côtés? Parce que il y a François Cardinal dans la presse récemment qui disait que vous nuisiez à votre parti. C'est sûr que quand tu fais des trucs impopulaires, tu nuis un peu. Ouais. Bon, fait que j'ai un plus un. Est-ce que Richard a envie encore que vous soyez... Non, mais Richard, c'est un gars de principe puis de parole. Ben, c'est peut-être ça son problème. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben, s'il veut se faire élire. Non, mais tu sais, Richard, là, jamais qu'il m'a dit « fais pas ça parce que ça va nous enlever des votes ». Jamais. Il était pas au courant non plus. Non. Très au courant, okay. Très courageux. Très courageux. Richard est très courageux. Ben écoutez, moi j'allais parler du sujet que tout le monde veut parler, là, que le plateau est complètement déserté, mais je pense qu'on peut s'entendre que tous ici ce soir savons que vous avez tué le plateau. On passe à un autre sujet. La question que tous se posent depuis très longtemps, c'est celle-ci, évidemment. Est-ce que vous n'avez pas peur avec la loi P6? Parce que là, vous êtes rendu compte, la loi P6, là, ou le genre de règlement P6, là, vous avez voté tout pour il y a quelques semaines, quelques mois. Oui. Là, vous êtes tout contre. Non, tout le monde n'a pas voté pour. Il y a eu un vote séparé sur le P6. Aïe, vous êtes vraiment démocratique comme parti. Ouais. Toujours est-il que P6, c'est cette histoire de réglementation, de manifestation. Oui, ce que Richard Bergeron a dit récemment, c'est qu'il voulait ouvrir cette discussion-là. Je pense qu'il va mettre une motion, d'ailleurs, prochainement, pour l'enlever. Mais là, il a voté pour, il vote contre. Ce qu'on a, les avis juridiques qu'on a, c'est que le P6, de toute manière, n'a pas passé en cours, c'est-à-dire que il est contesté puis qu'il aurait perdu, que les dispositions du P6 n'auraient pas réussi à l'emporter. Et donc, il faut trouver une autre façon d'encadrer les manifestants. D'encadrer les manifestants. Écoute, la police, là, puis le parti au pouvoir, ils disent, bon, on est tanné, ça... Ils disent qu'ils sont tannés, mais en même temps, c'est 200 000 piastres de temps supplémentaire de policiers par manif. Hein? Ouais. Et puis les hélicoptères, puis les avions, des fois pour 200 personnes. Fait qu'ils ont dit, bon, il y a des fois, là, ça devient même antidémocratique de laisser aller la manifestation. Il faut qu'on trouve un moyen de les contraindre. Okay. Et ça, qu'est-ce que tu veux? Dans la démocratie, il n'y en a pas de limite à la manif. Il n'y en a pas. Tu peux pas, en tant que policier, dire celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne. Tu n'as pas le droit, c'est pas de même, ça marche. Parce que sans ça, en Europe, ça ferait longtemps qu'il n'y en aurait plus. Il y a eu des manifs tous les jours. Il y a eu des manifs tous les jours avec les contraintes budgétaires en Grèce, en Espagne, partout. Puis, c'est ça. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de limite à la manif. Aussi douloureux soit-il, que ce soit pour le budget des Montréalais, aussi pénible que ce soit pour ceux qui n'aiment pas la cause pour laquelle il y a une manifestation. Mais, par exemple, est-ce que. Regarde, en France, ils ont laissé aller la manif contre le mariage gay. Ça leur a vraiment beaucoup tenté au Parti socialiste de dire « Ben non, vous n'avez pas le droit de manifester. » Puis nous, s'il y en avait une ici, ça nous tenterait vraiment de dire « Non, non, vous n'avez pas le droit de manifester là-dessus. » Puis on a une manif, nous autres, là, en face de la clinique Morgan Tyler, qui intimide les femmes qui vont se faire avorter. On a ça 40 jours par année dans notre parc, puis on ne peut pas les empêcher. J'aimerais donc ça leur dire « Scram, votant, on ne veut plus te voir. » Puis d'ailleurs, M. Duceppe m'appelle tous les matins pour me dire « Qu'est-ce que t'attends pour y sortir du parc? T'as pas le droit. » Ah, ben il fallait bien que je joue à belle-mère à un moment donné, lui. Ça fait longtemps qu'on a pas T'as pas le droit. On va changer de sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'endorment ici. Ben oui, du coup. Non, mais ben, c'est un show de radio. Du contenu, toi, chose. Ouais. Oui. Du contenu, c'est l'enfer. Moi, ça tue le fun. Je le dis souvent en réunion, mais je suis tout seul. Merci, M. Ferrandez. Non, c'est vrai que c'est plus du type contenu. Vous restez avec nous, j'espère. OK. OK, parfait. La Banque royale du Canada fait beaucoup parler d'elle avec l'embauche de travailleurs étrangers pour remplacer les employés d'ici. Hein. Mais heureusement, il y a des raisons pour ça et on a mis la main sur une publicité qui nous permet de mieux comprendre. On écoute. Avec des revenus de près de 8 milliards de dollars et un profit net de 2 milliards pour l'année 2012, comme nous, vous conviendrez que les temps sont difficiles pour tout le monde. C'est pourquoi nous multiplions les efforts pour que les frais bancaires que nous vous offrons chaque mois, en échange du privilège de nous confier vos économies, nécessitent des actions raisonnées afin de les garder le plus bas possible. C'est pourquoi, en engageant des travailleurs de l'Inde ou d'autres contrées sous-développées, la RBC s'engage à ce que la mondialisation profite aux Indiens et à nos actionnaires. Au bout du compte, tout le monde en profite. Et notre bout du compte est infini. À la RBC, on ne fait pas que multiplier les profits. On divise le payroll aussi. Avec une voix comme ça, moi, ça m'a convaincu. Ah, moi aussi. Je m'en ouvrirai un compte demain. Écoutez ça. C'est maintenant un moment historique à l'émission. C'est la toute dernière chronique de notre reporter tout-terrain. Enfin! Wouhou! Depuis 40 semaines, il a stimulé notre intellect et accessoirement notre libido. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Ah, bonsoir, mon bon Jean-Philippe. Comment allez-vous? Ben, ça va super bien. Alors, c'est vrai, là, vous nous quittez? Ah oui, là, c'est bien vrai. Vous le savez, j'ai jamais été heureux dans votre émission de poêle et je me suis finalement trouvé mieux. Je vous annonce, donc, effectivement, c'est ma dernière collaboration et dès la semaine prochaine, ce sera une journaliste qui prendra le relais, une journaliste de la relève. Et moi, ce que je me suis trouvé, Jean-Philippe, vous le savez, en cette semaine, grosse nouvelle, la bouffe de rue aura officiellement droit de cité à Montréal. Oui. Donc, je me pars d'un petit business, je m'ouvre un food truck, un camion de bouffe et je me suis trouvé une partner pour partir en affaires et toute une partner, mon bon Jean-Philippe, oui. Cette partner-là, c'est pas une tout nue, et pourtant, elle pourrait être invitée à la commission Charbonneau, puisque son vrai nom, c'est Ginetta Rizzardo. Mais pas de danger, parce que cette Ginetta, Jean-Philippe, c'est notre bonne vieille sœur Angèle. Révérente, bonsoir. Ah, bonsoir, comment allez-vous, Louis-Philippe? Ah ben, Louis-Philippe va très bien, non, Jean-Philippe mais aussi. Cher, écoute bien, là, mais là, je comprends pas, là, ils veulent tous se lancer dans la bouffe dans la rue. On n'a pas assez à télévision, c'est plein de bouffe. Mais là, cette bouffe-là, Ouais. Écoute bien, là. Ouais. Là, mon vrai nom, là, ouais. Je te le dis, c'est Angiola Rizzardo di Agostino. Hey, mon Dieu, c'est long. C'est ça. Ouais. Et alors, regarde bien. Oui. Au niveau de la bouffe, je te dis ceci, c'est pas, on peut faire la bouffe de rue, on peut faire la bouffe des camions, on peut la faire la bouffe. J'imagine aussi que vous avez bien de l'argent à investir dans notre projet, parce qu'on va se le dire, vous avez dû vous graisser la patte solide avec tous les livres et les émissions de recettes que vous avez faites depuis 50 ans. Pas tant d'arrêts, moi. J'ai pas... Je vais te dire qu'avec toutes les fondations, plein air à plein cœur, ensuite la Dignité Jeunesse, la Pochette de l'Espoir, la Fondation pour des femmes qui veulent être travailleuses sociales, et ensuite, déjà avec tout ça, moi, je suis riche, sais-tu de quoi? Pas de la face de la reine. Je suis riche de leur don et de faire plaisir et de faire fonctionner ceux qui en ont pas. Ah, ça c'est bon. Je suis content de partir en entreprise avec vous, mais nous aurons aussi, on peut vous l'annoncer, Jean-Philippe, une spécialité, la poutine Sant'Angela, fait avec du fromage Sorangelle. Et ça, c'est pas des farces, Jean-Philippe. J'ai appris ça aujourd'hui qu'il existe véritablement un fromage Sorangelle. Mm-hmm. Et sur le site fromagedici.com, on peut lire « Sorangelle est une pâte molle qui contient 29 % d'humidité et qui sent les champignons. » Dites-moi en plus, ma sœur. Je vais te dire, non, c'est un beau fromage qui a de la chèvre, puis qui a ensuite 60 % de vaches, 40 % de chèvre. Et ce fromage-là, on l'a créé et ça vient justement tout près des lignes. Alors, on va déguster ce superbe fromage, ouais. Ce Sorangelle. Je suis curieux de voir sa texture en bouche. Et Jean-Philippe, je vous invite à revenir dans 4 minutes. La suite ne manquera pas d'intérêt. OK. Hey, merci. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui ne vénère pas la dame de fer, mais qui compense en mangeant beaucoup de viande rouge. Eh ben. Hey, il en reste rien que deux. Hein? Ouais. Après ça, on est libéré. Ouais, on est libéré. Comme ça. C'est notre moment d'humour social avec Fred Savard. Ouais. Permettez-moi de profiter du décès de Margaret Thatcher cette semaine pour ne pas lui rendre hommage. De toute façon, des gens vont l'applaudir. De toute façon, la cour est déjà pleine. Les élégies ont plutte sur elle grâce à la flopée habituelle d'éditorialistes de droite qui ont vanté les réalisations de cette femme de fer. D'abord, Mario Roy dans la presse, hein, y est allé d'une autre pièce d'anthologie avec un texte intitulé Fille d'épicier. D'ailleurs, si cet homme ne fait pas son entrée à l'Académie française bientôt, il y a quelque chose de pourri au royaume du Bécherel. Alors, sous la plume vertigineuse de M. Roy, on apprend que Thatcher est considéré comme l'un des deux chefs d'État ayant marqué le 20e siècle britannique. On doit féliciter la clairvoyance de Mario. Là, c'était pas évident de faire un top 2. Surtout quand l'autre s'appelle Winston Churchill. Tant de choix. Mario nous rappelle qu'à son arrivée au pouvoir, le taux marginal d'imposition était à 83%, mais l'État peinait à renflouer ses coffres puisqu'il était devenu quasi socialiste. Et il n'y a rien de pire que le quasi-socialisme. Oui. Tous les quasi-théoriciens politiques vous le diront. Les plus beaux passages, il nous les réserve lorsqu'il affirme que Mme Thatcher ne s'est jamais épuisée à chercher d'improbables consensus, ni beaucoup tenu compte des hauts cris des marchands de mots. La presse, menée en cela par la BBC, ainsi que l'intelligentsia, était largement hostile à Miss Maggie. Avouez que c'est quand même suave de lire des choses comme ça provenant d'un marchand de mots lui-même, faisant lui-même partie de l'intelligentsia. Il termine son texte en nous rappelant les origines modestes de Mme Thatcher, fille d'épicier qui hérita non pas de l'échoppe de Grantham, sa ville natale, mais plutôt la droiture et le sens du devoir. Il y a l'autre Mario, Dumont, celui-là, qui en passant a peu de chance d'entrer à l'Académie française, qui est allé d'un très beau texte pour Maggie, également intitulé « La fille de l'épicier ». Pour vrai? Ces gens-là se parlent pas. Il nous rappelle d'entrée de jeu qu'à l'épicerie, rien n'est gagné d'avance. Une fois les ventes faites et les dépenses payées, on vit avec le revenu qui reste. Il faut travailler fort, respecter le client et satisfaire ses besoins, remplir les tablettes, travailler de longues heures et garder le sourire. Ainsi, son père lui a inculqué l'idée de vivre selon ses moyens et l'importance de la liberté d'entreprendre. Visiblement, Mario ne magasine pas chez Costco ou chez Loblaws, des échoppes où on voit rarement le propriétaire se pencher pour replacer une canne de petits pois. Ce sont plutôt des employés payés au salaire minimum qui s'en occupent, eux aussi héritiers de l'idée de vivre selon leurs moyens avec leur salaire de crève-faim, mais moins héritiers de l'idée de la liberté d'entreprendre, qui est plutôt aléatoire quand tu fais 24 000 par année. Dumont nous rappelle qu'il faut se méfier du bruit ambiant face à des réformes plus à droite parce que des groupes de pression se battent efficacement pour maintenir le maximum de privilèges en échange d'un minimum d'efforts. Attention, il ne parle pas ici des banquiers et financiers qui ont largement profité de l'aide de l'État en Angleterre et ici à chaque crise étrangère. changement. Hein? Nos deux Mario ont manqué d'espace pour nous rappeler que Margaret s'opposait à la réunification des deux Allemagnes, même si ça voulait dire que 17 millions de personnes restaient emprisonniers sous la botte communiste. Pas d'espace non plus pour nous rappeler que Maggie a été une supporter de l'apartheid en Afrique du Sud, qualifiant Nelson Mandela de terroriste, ce dangereux terroriste. Pas d'espace non plus pour nous rappeler que Margaret a offert l'asile politique à Augusto Pinochet, ce pauvre bougre, victime de l'incompréhension de son peuple face au massacre de centaines de milliers de Chiliens pour qu'une petite élite conserve ses privilèges. Les blagues s'en viennent. Non, on a plutôt choisi de nous vendre l'idée qu'elle était une femme de conviction qui se calissait des consensus. Ah. Des qualités bienvenues uniquement quand on est de droite. Et la meilleure preuve, c'est vous, M. Ferrandez. Vous êtes, en quelque sorte, l'antithèse de Margaret Thatcher. Alors qu'elle a déjà affirmé qu'un homme de plus de 26 ans... Là, ça, c'est véridique. Hein? Elle a déjà affirmé qu'un homme de 26 ans qui utilise l'autobus peut estimer que sa vie est un échec. Vous avez sûrement déjà affirmé, M. Ferrandez, qu'un homme de plus de 26 ans qui n'utilise pas l'autobus est un maudit malade mental. Madame Thatcher a favorisé le rapatriement de la Constitution canadienne. Vous avez favorisé le rapatriement de millions de Français sur la réserve phonique du plateau. Et on va se le dire, ça prend toute une Constitution pour tolérer ça. Vous avez été élu sur un programme qui reflétait vos convictions sans chercher le consensus, exactement comme Madame Thatcher, sauf que le plateau n'était pas paralysé par les syndicats, mais par trop de voitures et par des commerces qui vendaient de la scrap trop cher. J'ose croire qu'à votre mort, on ne l'oubliera pas. J'ose croire que nos chroniqueurs de droite ne feront pas encore une fois de l'Alzheimer sélectif, mais encore mieux, arrangez-vous donc pour pas mourir, M. Ferrand. Voyons. Wow! Je suis pas d'accord avec tout ce que tu venais... Non, il y a certaines parties que... On en parlera. C'est pas si bon que ça, honnêtement, je veux dire. C'est pas... Il y avait même pas de blague dans cette affaire-là. On va retourner par là, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, vous êtes toujours là? Hey, boy, j'ai failli m'endormir. C'est vrai? Ben, hey, la chronique à Fred, l'avez pas écouté? Ah ben non, j'écoute plus ça, ça fait des années, mon frère. Je préférerais parler avec la quasi-madone Angela, qui est avec moi. D'ailleurs, pendant la belle chronique de Fred, on se bourrait la face dans le fromage Sœur Angèle. Ah oui. Un fromage pas piqué des verres, si vous voulez mon avis. Ah oui? Évidemment, Sœur Angèle, je serais bien épaite pour profiter de votre présence pour jaser d'actualités religieuses avec vous. On parle beaucoup du nouveau pape, mais oui, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Dans la presse de jeudi, on le voyait en train de laver les pieds de prisonnières et embrasser des pieds de prisonniers. Il n'y a pas des maudites limites au fétichisme, ma révérence. Non, arrête ça, là. Savez-vous, là, parce que tu connais pas l'Évangile, toi. Le Seigneur a lavé les pieds à tous ses apôtres, à tout son monde. Mais... ben oui, ben écoute bien, Jean-Philippe, ben il ouais, a fait ça avec une grande humilité. Oui. Mais parle-moi d'un pape, il est comme nous autres, il a compris que quand on est la même hauteur des gens, c'est grand. Plus t'es petit, plus t'es grand. Bon, ben moi j'ai jamais lavé les pieds à personne, par exemple. Mais Manon Céleste, vous avez été plus intéressante que Fred Savard en 20 ans de carrière. Merci beaucoup. On vous revient avec la conclusion quelques minutes, JPW. Merci beaucoup, hein. Il vous en reste rien qu'une, Fred. Après ça, c'est fini. Deuxième invité, s'il vous plaît. Il mène l'enquête depuis de nombreuses années et traque les pas fins chaque jeudi sur les ondes de la télé de Radio-Canada. Accueillons le journaliste Alain Gravel. Ouais, soyez-vous, c'est grave. C'est la vraie sœur Angèle. C'était la vraie sœur Angèle. Sans blague. Pour ben vrai, oui, ben oui, je vous le dis, ben je vous le dis. Plus vrai que vrai. Ben oui, c'est le vrai Alain Gravel aussi. Elle hey, est drôle, ben, hein. Moi, je suis pas drôle. Là. Non, ah, vous êtes pas drôle? Non, on me trouve pas drôle. Bon, ben la porte est... je compatis. Bon, est-ce qu'un journaliste en fonction a le droit de prendre une bière? Ouais. Hey, vous savez que c'est le deuxième journaliste en deux semaines qu'on soit un journaliste de Radio-Canada. Oui, Isabelle, je pense qu'elle était ici la semaine dernière. Petite semaine d'invité. Hein? C'est les, Elle est drôle. Elle est très drôle. Sens ouais. C'est incroyable. Les... Mais c'est ça, c'est des crues comme ça où est-ce que les gens sont en vacances. Ça va aller mieux au mois de mai. Non, c'est ça. Oui, c'est une sans gluten. C'est très bon pour la santé. Je sais que vous faites beaucoup de vélo. Ça, c'est au Café Campus à Jonquière. Arrête. La grosse bière. À Jonquière, oui. Non, mais attendez, là, je veux dire, c'est récent. Ça n'a pas été brassé en 81. Alors, M. Gravel, vous venez de terminer tout juste votre sixième saison à Enquête. Oui. Bravo. Merci. Vous allez recommencer votre septième saison à l'automne. Et logique. Oui, non, mais je sais, mais en même temps, on ne sait jamais. Vous êtes drôle. On est à Radio. Hey, c'est ça. Wow. Ça, c'est drôle. Baveux, en plus. OK. Fait pas drôle, mais baveux, effectivement. Okay. Je vais enlever mes... Je vais mettre mes gants de boxe. C'est ce que Michel trouve, d'ailleurs. Non, mais... vous ne lâchez pas, M. Appelbaum. On va revenir avec ça. vous ne cessez d'obtenir des récompenses. En décembre dernier, l'Association canadienne des journalistes pour la liberté d'expression vous a remis un prix. À vous et vos équipiers, évidemment, pas vous seul quand même. Récemment, ben pour vous seul, vous êtes vous êtes en nomination pour un prix artiste dans la catégorie animateur d'affaires publiques. Pour faire des figurations. Oui, tout à fait. En même temps, c'est contre Denis Lévesque, fait que les chances sont minces. Pour Denis Lévesque. Non, pour non, mais Denis, c'est un enquêteur de fond. C'est un monument. Il est dans le fond, toujours. Hey, il a passé une grosse année. Est-ce que vous feriez ça, vous, une entrevue avec un poodle qui s'est fait violer? Lui a fait ça. Ça mérite un artiste. Mais faut penser à ça. Plus qu'un artiste. Vous avez été très utile durant la dernière année. C'est pas un peu stressant de faire des enquêtes sur le crime organisé? Je veux dire, y a-t-il des barrures qui se rachètent pour des portes à la maison? C'est stressant de faire des erreurs. C'est ça que moi qui me stresse le plus. C'est-à-dire d'accuser faussement? Non, de ne pas faire d'erreurs, d'un côté ou de l'autre. OK. On n'a même pas peur, un moment donné, de partir son char le matin ou le soir. Je viens en vélo. De partir son vélo le matin ou le soir. Je viens en vélo, puis quand ça va mal, je fais un méchant saut. Le dernier des reportages, votre dernière émission de la saison, c'était sur les paradis fiscaux, et on en parle pas mal plus qu'on pouvait s'attendre, d'ailleurs, parce que, cette histoire, c'est un regroupement de journalistes qui ont fait des recherches et qui ont eu un document secret sur un disque dur. Vous avez lagué ça, et vous avez découvert une centaine de milliers de noms, hein, de personnes qui auraient des comptes dans les paradis fiscaux, dont une centaine de Canadiens, parce que 400 Canadiens, quelque chose comme 450 ça? 450 Canadiens. 450 Canadiens. Une cinquantaine de Québécois, dont un à Drummondville. Ah, boy! Le journaliste a reçu un courriel. Que... j'ai un compte là-bas, moi. Ouais, c'est ça, à Drummondville. Non, j'ai mis 40$. Je vais voir où ça va donner. Où ça? À Drummondville ou... Non. Aux îles Caïmans. Les îles Turques. Oui. Non, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on en parle beaucoup parce que maintenant, les deux gouvernements veulent la liste. Ils veulent les noms. Comme s'ils ne le savaient pas. Vous pensez qu'il se... C'est comme si on venait de découvrir... En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on documente les choses. Mais c'est un peu comme la même chose, comme la corruption. Comme si on ne connaissait pas les paradis fiscaux. Ça existe depuis pas mal longtemps. Mm-hmm. Tout le monde le sait. Nous, il y a 3 ou 4 ans, on avait une histoire où il y avait 2 officiers de l'Agence du revenu du Canada qui accompagnaient Francesco Bruno, celui qui a fourni de fausses factures à Tony Accurso pour un transfert de 1,7 million aux Bahamas. Donc, deux chefs d'équipe de l'Agence du revenu du Canada. Donc, il y a une très grande valeur à la publication des informations autour de ces listes. Et il y aura aussi, parce qu'on n'a pas fini de gratter les noms. Parce que là, vous allez fouiller chaque nom. Mais supposons qu'on en sort 2-3 vite de même. Des connus. Des initiales. On va y avec des initiales. Non, mais des initiales, c'est pas... regarde, c'est n'importe quoi, là. Nom de famille qui commence par W, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est pour ça. Allez-y, s'il y en a un. Drummondville, est-ce qu'il y en a à Chicoutimi? Ouais, non, mais je suis intéressé de savoir si j'en ai un. Chicoutimi. Je voudrais savoir si j'en ai un, parce que j'ai des comptes de taxes à payer, parce que je vis sur le plateau Mont-Royal, et ça coûte cher de taxes cette année. Il y a eu une petite augmentation. Vraiment? Mais c'est la ville-centre. Ah, c'est de la faute de la ville-centre. Non, mais les arrondissements ne taxent pas. Nous, on n'a aucune taxe d'arrondissement. C'est la taxe de la ville de Montréal. Ouais. Elle n'est pas collectée par le plateau. Donc, c'est M. Appelbaum. Ben oui, M. Appelbaum. Hey, d'ailleurs, le maudit, vous ne lâchez pas, lui. Encore au TJ cette semaine, il a fait des rénovations. Il avait oublié de déclarer. Je pense que oui. C'est-tu parce que vous voulez devenir maire de Montréal, vous? Oh. On aimerait ça. Vous aimeriez ça? Ah oui, vous aimeriez ça? Il faudrait que je trouve le parti, c'est ça le problème. Ah, mais le parti de M. Ferrandez est clean, hein? Normalement, les perdants, c'est eux autres qui sont moins corrompus. Je pense pas. OK, parfait. Bon. Ah oui, c'est ça. On a oublié que vous étiez journaliste aussi. Hein. On rit bien, là, mais votre gros dossier dans votre vie, là, c'était l'affaire Janson. Hein. On se rappelle l'affaire Janson qui a fait beaucoup de remous. Ben, je comprends donc, vous êtes un fan de vélo. J'étais condamné, mon réalisateur m'avait donné l'ordre. Et c'était un ordre, un ordre d'un réalisateur. Surtout, on n'y est pas savez, avec ça, hein, non, le mien est ça très, ne très se conteste aussi, pas. Non. Il fallait que j'apporte mon vélo pour rouler avec Mme Janson. Ah, c'est tombé plate, ça. Pour établir une relation de confiance. C'est vrai? Alors... Il me semble qu'il y avait d'autres moyens de faire ça. Hein? Son coach aussi en avait d'autres. Mais il y a un film qui va sortir de ça. Hein? Et ça va être joué par Laurence Leboeuf. J'ai l'impression... non, c'est Geneviève Janson. Va être joué par Laurence Leboeuf. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est qui va jouer le rôle de Alain Gravel. Ben ouais. J'aurais une suggestion. Michel Côté. Et voilà. Mais est-ce que vous savez, mais est-ce que vous allez être dans le film-là? Ah, avec un casque de bain couleur peau. Là, on a... Aïe, aïe, que c'est méchant, ça. Ben là! J'étais tellement content de venir ici. Ben, je le sais. Mais en même temps, ah non, c'est pas lui qui s'en va, c'est Jean-Sébastien. Ouais. Mais bon. Mais est-ce que vous avez été approché pour ce film-là? Mais pas encore, malheureusement. Pas arrêtez encore. Donc, le tournage est quasiment fini. Vraiment? Ben, non, je dis ça comme ça, mais on vous a pas approché. J'ai commencé, non, mais comme conseiller au scénario, Non, non, j'ai rencontré. En fait, l'histoire, ce qui est pas inintéressant, c'est que le jour de la diffusion du reportage, ouais, c'était en 2007, à l'automne 2007, le lendemain, la compagnie de production qui produit le film est entrée en contact avec mon patron pour nous demander s'il y avait moyen de rejoindre Geneviève Janson. Dès le départ, ils ont eu cette idée de le faire. J'ai rencontré une fois le réalisateur, mais dans une rencontre sociale là, qui n'avait rien à voir avec la préparation du film. Je sais que Mme Janson a eu des contacts. OK. Parce que là, on veut quand même que l'histoire soit vraie. Ah ouais. Ben, je pense qu'il y a eu quelques scénarios. Hein. Ce qu'on dit, ça va être inspiré de la vie de, pour éviter probablement des problèmes à la vigueur. Là. Mais ça serait le fun quand même que vous soyez là-dedans, parce que je vous ai vu dans l'affaire du Monde. Vous étiez très bon. Hein? Non, mais pour vrai, il y a... J'ai même pas su de cachon. Arrêtez donc, c'est pas vrai. Non, mais il y a une enquête à faire là-dessus. Il y a une enquête à faire là-dessus. Vous restez avec nous? Oui. Ah, parlez-moi de ça. Il y a de la bière, il n'y a pas de vin. Non, mais non, il y a de la bière, il en reste un petit peu. Fred, notre prochain chroniqueur. À force d'écouter les pires moments de nos radios hebdomadaires, il pourrait très bien rater les appels des fonctionnaires de l'assurance emploi, mais heureusement, il ne chôme pas. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier, oui, qu'on s'est ennuyé de vous. Ah, merci. Allez-y voir. Ben, le sujet qui était sur toutes les lèvres cette semaine, oui, est sans contredit la montée de la tension entre la Corée du Nord et le reste du monde. Ben oui. On pourrait croire que nous sommes au Québec bien loin de tout ça. Oh que non! Comme le rappelle Stéphane Gendron, une guerre thermonucléaire pourrait avoir des répercussions immenses au Québec. On a affaire à un prépubère qui sent encore l'urine d'adolescent. Le gars-là, c'est un malade. Il vit déconnecté de la réalité. Pauline Marois, avec sa gouvernance souverainiste, quand elle a lu la nouvelle hier qu'un missile pourrait atteindre le Québec, j'aurais aimé ça être deux secondes dans sa peau pour savoir si elle aurait eu le réflexe de lever le téléphone puis parler à Stephen Harper. Le jour où on sera dans la merde, on sera bien content d'avoir le fédéral pour venir nous aider. Et oui, la gouvernance souverainiste pourrait mener à la destruction du Québec par Kim Jong-un juste parce que Pauline Marois serait trop bornée pour demander de l'aide à Stephen Harper. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai la chienne. Oui. En tout cas, c'est pas Margaret Thatcher qui aurait mis son pays dans cette position. D'ailleurs, les radios de droite ont rendu hommage à leur égérie cette semaine, démontrant avec beaucoup d'efficacité qu'elle était pas mal plus fine que certains le disent. Selon Mario Dumont, elle s'est notamment élevée au-dessus de la mêlée dans son combat contre les mineurs en grève. Elle n'a pas brûlé des photos. Les mineurs ont brûlé des photos à l'effigie de Margaret Thatcher. Elle n'a jamais brûlé de rien à l'effigie des mineurs. Elle n'a jamais attaqué personnellement ces gens-là. Ah, ça, c'est vrai. Elle n'a pas brûlé des photos des mineurs. Non. Elle n'est pas si pire que ça. Mais non. Je ne comprends pas pourquoi tant de gens l'ont détestée. C'est pourquoi les fans de la Dame de Fer comme Denis Gravel et Jérôme Landry de Radio X ont été bien insultés d'entendre Louise Beaudoin dire que la Thatcher ne gouvernait pas comme une femme. Y a-tu quelque chose de plus sexiste que de dire « parce que t'as un vagin, ça te prend un vagin d'eau ». Ce qui est le plus important, c'est ton vagin. Et vu que t'as un vagin, il faut que t'imposes des idées vaginistes. T'es une femme, tu dois être comme Françoise David. Oui. Tu dois triper ses pauvres. Du pain et des roses. Hein? Là, mais c'est vrai qu'on est nettement dans les stéréotypes. Tu peux défendre des libertés individuelles et avoir le goût d'enculer les syndicats. Ah, c'est drôle, hein? Mais semble que pour enculer des syndicats, il manque un petit quelque chose à la femme. Non, mais c'est vrai, là. Faut arrêter de juger les personnes selon leur sexe. Ouais. La femme est égale à l'homme dans tous les aspects de la vie. Ben, sauf pour se stationner, là. Ouais, oui. Tu touches un petit peu sur le bumper d'Anna Ross. Tu sais, là, tu zigonnes un petit peu, Sais, là. Je sais. Dans l'avenir, quand viendra le temps de changer ton véhicule, oui, achète-toi le véhicule qui stationne tout seul. Oui, puis là, c'est pas. Mais je sais pas si t'as vu, là, il y a des véhicules maintenant. Ah oui, il y a des nouvelles patentes. T'arrives, tu te. Ça, c'est pour femmes. Oh. D'ailleurs, la différence entre Jean Lapierre et une femme, c'est que Jean Lapierre n'a pas le courage d'avouer qu'il n'est pas capable de sparker comme du monde et qu'il n'a pas de vagina. Mais je ne me porterai pas à la défense de la femme. Non, il y a des causes bien plus importantes et Sylvain Bouchard de Cogeco l'a bien compris. Ça a été lancé vendredi. Je voulais en reparler encore un peu à matin. La journée internationale du gars. De l'homme, ça existe déjà, ça a l'air, c'est le 19 novembre. Ouais. Excellent. Je ne toucherai pas à ça. Ça va être la journée internationale du gars. Les gars, ils se lèvent, mais à leur façon. Oui, les gars se lèvent. J'espère qu'un jour, nous puissions nous émanciper, briser le plafond de verre qui nous empêche d'avoir une véritable influence sur cette planète. Continuons le combat. Autre débat de société de retour dans l'actualité cette semaine, l'interdiction de texter au volant. Mm-hmm. C'est que, voyez-vous, le Journal de Montréal publia à sa une lundi la photo d'une ancienne future mannequin devenue paraplégique suite à un accident de voiture alors qu'elle textait au volant. Ouais. Convergence oblige, la charmante texteuse était mardi midi à LCN pour parler de son accident. Vous avez 27 fractures, votre vie est changée, vous êtes paralysée à la suite de cette collision? Monsieur, je vous dis un instant, j'ai reçu un autre téléphone, ce sera pas long. Oui, mais là, on est en onde en direct à la télé, madame. Est-ce que vous pouvez rester avec nous? Non, pas vraiment, je m'excuse. Bon, alors ça, c'est une première dans ma carrière. Non, mais tu sais, quand t'es accro au téléphone, là, et justement, je vais devoir vous laisser, mon téléphone sonne. Merci, Olivier. Eh bien, la mort de Margaret Thatcher a secoué plusieurs personnes et surtout nos amis du Radio X Jazz. On l'écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. Toujours à l'antenne du Radio X Jazz, Kevin Gosselin au microphone avec vous pour les 16 prochaines semaines. On continue. Nous poursuivons notre émission spéciale, a tribute to Margaret Thatcher, qui nous a quittés trop vite à 87 ans. Évidemment, les médias socialistes québécois ont tenté de salir la mémoire de cette pionnière, première femme élue du monde occidental. Nos féministes castrantes l'ont dénigrée. Ce n'est pas une surprise, hein, ces femmes dont la principale occupation est d'être en sacrement en permanence, jalousent les femmes qui réussissent sans subvention du Conseil du statut de la femme. Et c'est quand même Mme Thatcher qui a sauvé la Grande-Bretagne du communisme au début des années 80, mais on préfère l'ignorer et vénérer des despotes comme Hugo Chavez ou Pauline Marois, qui est malheureusement toujours vivante. Margaret Thatcher, une femme exceptionnelle qui a privatisé plusieurs secteurs de l'économie britannique sans attendre les consensus. Mais encore une fois au Québec, les consensus, eux qui sont habitués à sucer les mamelles de l'État. Je dédie donc la prochaine pièce à cette femme de fer que j'aurais tant aimé avoir comme grand-père. Alors voici donc Beautiful Changes de Benny Goodman, car Mme Thatcher était aussi a Goodman. Sur les ondes du Radio X Jazz, le 91, blanc. Ah, d'ailleurs, on note que c'est avec retenue qu'Alain Gravel a applaudi ce sketch. Et on va aller rejoindre Jean-Sébastien avec bonheur pour sa dernière intervention à vie. Jean-Sébastien. Ah, ben bonjour Philippe, vous êtes toujours là? Malheureusement. Oui, alors de retour avec la mystique Angèle, je me suis dit, le débouché de food truck est intéressant pour plusieurs personnes dont l'avenir professionnel est un peu précaire. Alors si vous le voulez bien, sœur Angèle, on va proposer, si vous le voulez bien, des concepts de food truck. Par exemple, pour le futur maire déchu, Luc Fernandez, qu'est-ce que vous imaginez comme camion? Oh, monsieur le maire, monsieur Luc, là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je restais sur le plateau. Je suis assez contente d'être partie parce que là, là, moi, je fais pas du bicycle à mon âge. Puis c'est pas des jeunes personnes qui restent sur le plateau. C'est vrai. Et là, là, on peut plus passer. Lui, là, j'y donne pas une voiture ni un troc. Un bicycle avec une petite charrette en arrière et rien que de la salade froide. Hey, j'irai pas sur le plateau. Enfin, quelqu'un qui parle pour la majorité silencieuse. Bravo. La bonne mère, nous aurons un été formidable. Je suis extrêmement content, extrêmement touché. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces 40 semaines à la soirée. Ouais, c'est ça. Je ne regrette rien. Moi non plus. Et vous ne me reverrez plus jamais la face. Bon! C'est un grand bonheur pour nous tous. Bye, Jean-Sébastien. Adieu. Et que ça va faire du bien, cette affaire-là. Hein? Ouais. Notre prochain chroniqueur, Fred. Notre correspondant parlementaire s'intéresse à la gouvernance souverainiste cette semaine, alors 4 minutes devraient amplement suffire. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani! Hey boy! Eh bien, dans un souci d'éclairer nos auditeurs sur l'extraordinaire renouveau qui secoue le gouvernement péquiste, vous allez enfin résoudre le mystère qui empêche le Québec de dormir depuis le secret de la table qui bouge de Chantal Lacroix. Ouais. La gouvernance souverainiste, allez-y. Bien, beau sujet, hein, pas évident. Victor Lévy-Beaulieu a d'ailleurs donné sa définition personnelle sur Facebook cette semaine. Pour lui, la gouvernance souverainiste, c'est, je cite, « de la marde ». Alors, pour Stephen Harper, lui, la gouvernance souverainiste, ça voudrait apparemment dire « laisser guider toute son action par le regard éclairé et sensuel de la souveraine ». En fait, c'est la gouvernance monarchiste. Ah oui, oui. Et Bernard Landry, lui, qui appuie rarement autre chose que ce qu'il propose, appuie même la gouvernance souverainiste. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. C'est quoi la gouvernance? La gouvernance? Mais c'est quoi? Ah ouais, ouais. Bon, tu sais, on vient de nommer Gilles Duceppe à la tête d'une commission sur l'assurance-emploi, puis là, il va faire une tournée du Québec, puis remettre un rapport, puis là, il va dire qu'il faut rapatrier l'assurance-emploi. Là, Stephen Harper va dire non, puis on va parler d'autres choses. Okay. On va créer d'autres commissions, puis chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, une commission. Ouais. Puis. Mais c'est quoi, la gouvernance? C'est quoi la gouvernance souverainiste? Ben. Parce que, tu sais, dans le document du PQ, là, ils disent que c'est assumer les pouvoirs du Québec, combattre les ingérences d'Ottawa dans les domaines de compétences du Québec, là, comme Jean Charest là, dans l'entente sur la santé. Oui. En tout cas, puis rapatrier des pouvoirs fiscaux, le déséquilibre fiscal. Mais en gros, c'est quoi? C'était Jean Charest. La gouvernance souverainiste. Puis aller en cours, comme le registre des armes à feu, puis c'était Jean Charest aussi. Oui, hein. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'était embêtant. Là. Mais c'est quoi la gouvernance souverainiste? Ben, c'est un peu. C'est un... Tu sais, l'autonomisme de Mario Dumont, là. Ouais. Le désormais de Paul Sauvé, le maître chez nous, là, de Jean Lesage. Ouais. L'égalité ou indépendance de Daniel Johnson. Ouais. L'affirmation nationale de Pierre-Marc Johnson. La défense des intérêts du Québec, hein, le Bloc Québec. Ben, c'est ça, la gouvernance souverainiste, c'est une autre patente qu'on sait pas c'est quoi, puis qui sert à mécontenter tout le monde. Ça sert à mettre en rogne les souverainistes, parce qu'on le sait, s'ils sont pas fâchés, ils font rien. Okay. Quand ils sont enragés, ben là, ils font des colloques, des rassemblements, ils prennent des drapeaux. Paul Chier est là, Luc Merville aussi, il est pas trop occupé cette semaine. Bon. Les tunes de Claude Gauthier jouent entre les discours, pendant que les jeunes se badigeonnent des fleurs de lys, ils jouent. Les locolocas se regroupent, puis ils font une prestation. Daniel Boucher même tente un retour. Là, tout le monde est rassemblé pour dire que le PQ les a trahis. Okay. Puis là, ils font un 12e mouvement indépendantiste avant de se réconcilier dans un club politique au PQ. Là, c'est l'allégresse partout dans la population. Surtout parce qu'on apprend que le gagnant de la voix va faire un duo avec la has-been sur les plaines dans le cadre de la poule aux œufs d'or au festival d'été. Mais puis là, la chicane reponne encore parce que Bernard Landry dit qu'il aurait fait ça autrement s'il avait été chef. Là, Gérald Larose donne un scrum à Saint-Jean. Jacques Parizeau donne une entrevue au Devoir. Puis là, il dit qu'il faut transformer le rêve en projet. Puis là, tout le monde dit qu'il a raison, même s'ils comprennent pas exactement ce qu'il dit. Puis là, ça enflamme les souverainistes qui sont encore plus fâchés parce qu'ils comprennent pas où ça mène la gouvernance souverainiste. Même si à force de répéter, comment ça penser et d'avoir l'impression que ça veut dire quelque chose. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, les caquistes, les libéraux, les solidaristes voient l'occasion de prendre une grosse mordée dans le PQ. Puis là, François Legault est presque décoiffé. Puis là, Philippe Couillard, il dit une grosse déclaration au choc, genre, l'important, c'est ça qui compte. Fait que Pauline Marois... Fait que Pauline Marois, pour maintenir la forme, elle lance des états généraux sur la gouvernance souverainiste. Puis là, la grogne repart. Bref, c'est à ça que ça sert, la gouvernance souverainiste, à faire tourner la roue. On sait pas trop c'est quoi, mais c'est le fun en mots, Tadine. Wow! Ben, c'est encourageant, ça! Oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour l'émission de ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret, plus on est de fou, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe. Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert et Marie-Hélène Vautier. Un gros, gros merci à nos invités de ce soir. Luc Ferrandez, on se revoit en novembre prochain pour les élections municipales. Et Alain Gravel, on se revoit en novembre prochain pour parler des élections municipales. Et quant à nous, on se revoit. Si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez venir également assister à l'émission, on enregistre les jeudis à 17h. Vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel. On se fera un plaisir de vous réserver une place pour nos invités la semaine prochaine, Vincent Marissal et Laurent Paquin. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.